Artus et là où vont les autres, une émission de radio Zinzine par Commune Oreille et Kilowatt FM. Deuxième partie. Le 22 mars 2017, Commune Oreille, le collectif, a organisé le concert de deux groupes diffusant leur musique sous licence libre, chacun avec une approche particulière des musiques traditionnelles et contemporaines. C'était à la Cimenterie à Fort-Calquier, un lieu géré par la compagnie Toussembal qui nous a accueillis chaleureusement. Le public était au rendez-vous, c'était une bien belle soirée, et nous avons décidé de pousser la rencontre avec ces musiciens en leur laissant la place par la discussion pour nous présenter leur univers. Au programme de cette soirée, Artus, qui vient du Béarn et présente une approche rock assez dure et radicale en s'inspirant du patrimoine oral et musical de leur contrée. Et Là où vont les autres, un duo de Fort-Calquier, auquel la première partie de cette émission était consacrée. Nous allons démarrer cet entretien avec Romain et Alexis du groupe Artus, ils vont nous parler un peu d'eux. Artus, c'est un groupe de musique sur des esthétiques plutôt rock, même carrément rock, avec à l'intérieur de cette nomination plusieurs courants du rock, quoi, voilà. On va dire qui est quand même relativement souvent lié quand même à l'expérimentation et plutôt des types de rock plutôt alternatifs. Même s'il y en a qui entendent dans Artus des Roland de prog des années 70 ou des choses plus de musique, on va dire, industrielle ou noise. Mais globalement, on fait du rock, ça, c'est plus simple d'expliquer ça comme ça. Surtout que c'est un groupe qui existe depuis 17 ans maintenant, donc il a traversé des courants. Du coup, l'esthétique du groupe a évolué avec les musiciens, qui, et puis avec nos envies, notre technique aussi, tout ce qui fait qu'à un moment donné, on s'émancipe aussi. Voilà. Donc le groupe, il a jamais été limité dans l'esthétique. Donc du coup, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on est toujours là après 17 ans, c'est qu'on n'a pas figé sur une pratique, quoi. La seule chose qui est commune au début, on va dire, c'est l'inspiration. L'inspiration, du coup, elle est liée pour ce groupe-là tout le temps à quelque chose qui est, patrimonial. Que le terme qui nous définit le mieux, c'est musique d'essence patrimoniale. C'est un journaliste qui s'appelle Frank Tenaille qui dit ce terme. Même s'il est un peu pompeux, je le trouve pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, le patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel, ça c'est quelque chose qu'a défini l'UNESCO, c'est l'humanité. L'humanité, elle n'est pas composée que de patrimoine matériel, c'est-à-dire des cathédrales, des monuments, etc. Mais on s'en est rendu compte assez tard, en fait. Enfin, l'UNESCO s'est rendu compte assez tard, elle a commencé par protéger tout ce qui était livres, choses concrètes, et puis elle s'est aperçue qu'en fait l'humanité était aussi constituée de rites, de spiritualité, de langues, de culture orale, de poésie, etc. Et nous, en fait, quand on a démarré ce groupe, enfin là je mets des mots concrets sur quelque chose qu'on a découvert aussi au fur et à mesure, en fait, qu'on faisait. C'est-à-dire que notre source d'inspiration, c'est toujours quelque chose qui fait partie du patrimoine culturel immatériel, globalement de l'oralité de notre coin. Comme la plupart des groupes, je veux dire que le mieux, c'est d'écouter pour se rendre compte de ce que c'est, parce que chacun cherche toujours des dénominations pour qualifier sa musique, et c'est toujours compliqué. Replegates cunius. caduto, ti ho liberché il passato, ti inslesti e slucca. Hey! venons d'entendre Desvel, extrait de leur dernier album Horse. Nous allons poursuivre l'entretien avec deux des musiciens d'Artus. Ils se sont arrêtés à Forcalquier le 22 mars dernier dans le cadre de leur Desvel Tour. Ils nous parlent à présent des groupes les ayant influencés. Extrait. Après, ce sera jamais exhaustif. Quoi, voilà. Ouais. Alors, globalement, c'est. Une œuvre qui correspondait à vraiment tous les membres du groupe ? Ça y a pas. Ça y a pas. Ça y a pas. Ouais. Non. Après, si tu veux, je peux te citer des références qui sont quand même assez souvent citées par rapport à Artus. Mmh. Il est souvent cité King Crimson. Ouais. Alors, plutôt la période des années 70. Quoi. Souvent cité les Swans, ouais. This It. Thank you. Après, on est proche aussi, si tu veux, de certaines musiques de comme les copains du label La Nobi. On n'est pas proche dans l'esthétique, mais on est proche dans la démarche. Je sais pas si ça te parle, ce label La Nobi. La Novia. Novia, oui, voilà. D'accord. Comment tu dis ? La Nobi, la mariée, ça veut dire. D'accord. En France, notamment. Oui. Voilà. France, en France, ouais. Il n'est pas chez la Novia. Ah, non. Ah, il est chez Potager Nature. Oui, Potager Nature. Mais il y a Yann Gourdon qui, ouais, qui a pris l'information. Voilà. Donc, on est proche de ces gens-là, humainement aussi, tu vois. Voilà. On est proche globalement de toute la scène un peu alterno noise française. On en connaît pas mal parce que, aussi parce qu'il y a Ferroni. Et après, je pourrais te citer des références, mais qui n'iront la plupart du temps rien aux gens, parce que c'est des références en local, tu vois. Des groupes comme Canicule, qui était un groupe des années 70-80, dans lequel jouaient nos pères, là, avec Mathieu Thomas et moi. Qui était un groupe de quoi? Plutôt de revival folk, ouais, ouais. Voilà, ouais. Les Perlin Pimpin Folk aussi, voilà, qui était vraiment le groupe qui a marqué vraiment son époque, dans les années 70. Alors si, il y a un groupe suédois qui s'appelle Edningar, hein, qui est pour nous fondateurs vraiment, et qui sont en plus devenus après des amis, mais c'est un groupe qu'on a vraiment adoré nous, quand on était plus gamins, tu vois, qui est vraiment un peu les pionniers de l'électro-trad suédois. Un groupe incroyable, quoi, vraiment monstrueux. Plus proche de vous ici, il y a eu Dupin, tu vois, premier album qui est juste incroyable. Ça me fait toujours halluciner quand on me dit moi j'aime pas le métal mais j'aime Gojira, et quand je demande pourquoi on me dit ah je sais pas, c'est pas pareil, bon. Et ils ont un truc en plus, quoi, ils ont un truc qui touche les gens à un autre niveau, et leur engagement politique aussi, tu vois, dans l'environnement, l'écologie, leur sincérité, puis le fait que les mecs ils ont jamais bougé, quoi, tu vois, c'est quand même à remarquer, quoi. Ils auraient pu péter un câble. Magma aussi dans la longévité, tu vois. Et je trouve que c'est pareil, je trouve que c'est un groupe, c'est quand même à signaler aussi qu'il y a une espèce de droiture, de, tu vois, de... Et pour ça, même sans aucune prétention, parce qu'on est loin d'être de leur niveau, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes pressions qu'eux, que ce soit Magma ou Gojira, mais dans cette espèce d'attitude comme ça, un peu radicale, tu vois, où à un moment donné, tu poses un truc et puis tu... Et puis c'est politique aussi, tu vois. Voilà, c'est politique, quoi. Même si on n'est pas politisé, le groupe n'est pas politisé, mais notre action est politique. Et je trouve que dans ces groupes-là, il y a de la politique. Voilà. Et que c'est... Je trouve ça assez rare, en fait. Je le vois, hein, dans tous les groupes qu'on croit, c'est assez rare. La plupart des gens, ils revendiquent rien. Ils ont pas de... Tu vois, ils font de la musique, quoi. Mais derrière ça, en fait, il y a un... Alors là, j'en profite d'avoir le micro, moi, parce qu'on n'est pas d'accord avec Arthus. Hein, mais pour moi, il y a un message, voilà, dans ce qu'on fait. Il y a un sens, voilà. Il n'est pas forcément... C'est comme de l'art, quoi. C'est pas forcément... Les gens, ils ne le perçoivent pas forcément directement, si tu veux. Ça, tout le monde, je pense que pas forcément tout le monde est d'accord, hein, mais toi, tu mets des mots et d'autres n'en mettent pas, quoi. Non, parce que, par exemple, Paille, il estime que si c'est, l'esthétique suffit. Voilà. L'esthétique suffit à ce que ce soit... ça te plaise ou pas. Moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de sens. Voilà. S'il n'y a pas de sens, pour moi, bruit plus sens égale musique, quoi. Voilà. S'il n'y a que bruit... Ça peut me toucher esthétiquement, mais il me manquera toujours, si tu veux, cette espèce de truc qui peut... Voilà. Et dans ces groupes-là, donc, que je citais, et quelque part, je l'espère, dans Arthus, il y a un peu ça, il y a ce sens-là, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut parler de ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, on y bosse, tu vois. Enfin, c'est un engagement, vraiment, tu vois. On vit pas... On n'est pas des gens différents quand on est sur scène que dans la vie, tu vois. On joue... on a une phrase qui joue Gams OKM, on joue ce que nous sommes. On a ça depuis le début du groupe, alors c'est... C'est une phrase un peu bateau, tu vois, parce que ça, tout le monde pourrait dire ça, en fait. Mais ceci dit, nous, on le dit, et je trouve que c'est assez vrai, parce que en fait, notre vie, notre organisation, notre façon de faire les choses, elle est globale, elle est totale, voilà. Que ce soit dans l'esthétique du groupe, dans la façon de faire la musique, dans la vie qu'on mène, dans ce qu'on est en famille, dans ce qu'on a avec nos potes, et que, tu vois, c'est une seule et même entité. Ouais. Voilà. Après, l'esthétique, les gens, ils aiment pas, ça, oui, c'est ça, autre chose, c'est, on s'en fout. Enfin, tu vois, évidemment, qu'il y a des gens qui détestent ce qu'on fait, et c'est réciproque. Et los demás pasan los hombres, y los demás pasan los hombres, si aquel don son tan rogado, si aquel don son tan rogado. Muerte en las auberges, muerte en las auberges, tan cana, gente, hay droga, tú, tan cana, gente, hay droga, tú. Continuons avec Romain et Alexis. Ils vont maintenant nous parler de leur processus de création pour leur nouvel album. Il y a un processus qui est lié à l'improvisation, en fait. Mmh. On se met dans des énergies, c'est-à-dire qu'on se... on mène des enquêtes plus ou moins longues. Tu vois, bon, moi, c'est vrai que c'est moi qui ai le plus pris les choses en amont, si tu veux, où j'ai vraiment, pendant une année, vraiment bien bossé le sujet. Et après, j'ai transmis aux autres, et après, on a rencontré Jean aussi qui nous a transmis des choses. Mais après, quand on se met en processus de création, c'est qu'on se, on, une fois qu'on a un peu approfondi le sujet, alors on n'est pas des spécialistes de l'ours, hein, si, ouais. Il y en a plein de spécialistes qui en parlent mieux que nous, mais on commence à s'y connaître un peu, suffisamment en tout cas pour dire, bah, tiens, cette histoire, ce paramètre-là, ce moment, ce truc qu'on a vécu, nous inspire en fait. C'est vraiment une inspiration qu'on cherche. Ouais. Dans ce cas-là, on se met en situation d'improvisation libre. En tout cas, pour cet album, on a fait comme ça. On a eu plusieurs processus de création d'artistes, mais pour cet album, on a fait comme ça. On dit, ben voilà, on va partir de cette histoire, on se met tous dans cette énergie-là, est-ce que tout le monde a bien capté de quoi on voulait parler ? On part du silence et on joue. Voilà. À partir de là, si tu veux, on enregistre, et après on réécoute, et au milieu de cette improvisation-là, on va dire, le temps n'est pas important, mais par exemple sur une improvisation de 20 minutes, peut-être qu'au milieu de tout ça, il va y avoir 30 secondes, 40 secondes, où on va tous dire, ah là, il se passe un truc qui est super bien. Et donc on va repartir de ce moment-là, on va reprendre ça, on dit ben comment on a fait ça, attends, c'est comment on analyse, tu vois. Et on se remet dans cet état-là et on refait une improvisation qui est nourrie de ce moment qu'on avait trouvé super bien et qui pour nous colle au sujet. Et puis après on réécoute. On affine comme ça une matière, tu vois, on assemble de la glaise et puis au bout d'un moment on la sculpte. Et quand la sculpture est faite, on compose, c'est-à-dire qu'on revient sur la forme. On dit, bon, en fait, c'est trop long, ça, en fait, on se perd, c'est déjà répété 10 fois, ça n'a pas de sens, ou alors non, c'est pas fort, et puis en fait, c'est plus impact. Après, on arrange réellement, quoi. Mmh. Mais la composition de départ, elle est liée à l'improvisation. Notre dernier album, il est sur l'Ours, voilà, parce qu'on habite à côté de deux vallées, la vallée, enfin trois vallées. Le Barretous, voilà, dans le Béarn. Voilà, dans le Béarn. Le Barretous, la vallée d'Ossau et la vallée d'Aspe. Et en fait, dans ces vallées-là, c'était une des grosses vallées à ours, quoi. Et maintenant, il n'en reste que deux, des ours de mâles. Et donc, par exemple, pour cet album-là, on s'est attaché à se cultiver par rapport à l'animal, par rapport à l'ours. Alors, pas que dans l'aspect étiologique de l'ours, c'est-à-dire son comportement, sa façon d'être, et puis l'ours, ce qu'il est. Alors, on a quand même étudié ça, mais... ce qui nous a surtout inspiré, c'est tout ce qui était mythologie, c'est-à-dire tout ce qui représente. Puisqu'en fait, il est présent, extrêmement présent dans notre culture, en tout cas chez nous, là, dans les montagnes, et en même temps, il est absent, puisqu'il n'en reste que deux, et il est invisible. Et donc, c'est un exemple concret, là, pour que les gens comprennent un peu. L'idée, c'est qu'en fait, cet animal nous a inspiré sur des morceaux de la création. Et avant de commencer à composer, on est parti en montagne avec un spécialiste qui s'appelle Jean Sousse, qui nous a suivi sur tout le projet, qui nous a permis de mieux comprendre en fait pourquoi il était présent et absent, pourquoi en fait quand on parle de l'ours, finalement on parle de l'homme, parce que sa présence, présence ou son absence est uniquement liée à nous en fait. Et ça pour nous, c'est une mine d'or, parce qu'en fait pour créer là-dessus, si tu veux, il y a tout un pan... esthétique, tout un pan aussi intellectuel, tu vois, philosophique qui se met en route et qui permet de générer de la création, quoi. Voilà. Donc en fait, depuis le début de ce groupe, on prend des sujets comme ça où on prend des éléments de notre folklore, quoi, quelque part. Et on le. Ça veut dire ours. Arthus, ça veut dire ours, ouais, voilà. Donc là, c'est voilà, ouais. Et notre premier album s'appelait Homi, qui veut dire l'homme. Et il y a un être mythologique chez nous qui s'appelle Omi-ours, qui veut dire l'homme sauvage, quoi, l'homme à moitié homme, à moitié ours. Donc en fait, quelque part, avec ce disque-là, ben, on parle aussi de nous, d'Artus. En fait, on a découvert après, quand on a appelé le groupe Artus, que ça venait de Art en celte, qui veut dire, aussi en allemand, mais qui veut dire ours, quoi. Et qu'en fait, notre nom était, depuis le début, depuis 17 ans, lié de toute façon à cet animal, qu'on s'intéressait après, tu vois. Donc, c'est tout un truc comme ça, tout un processus, quoi. Mais ça dit rien sur l'esthétique, c'est pour ça que je commence toujours par dire, enfin, que c'est un groupe de rock. Voilà. Parce qu'en fait, cette démarche-là, elle pourrait être valable avec du hip-hop, avec du reggae. C'est la façon de faire, l'inspiration vient du folklore, mais la musique générée est plutôt rock. Parce que du coup, votre processus d'organisation, vous vivez tous ensemble, c'est ça? Non, on ne vit pas tous ensemble. Non, non, non. Vous avez un lieu, par contre? On a un lieu, ouais, on a un lieu, on a un label, on a une boîte de prod, on a un studio. En fait, le lieu s'appelle la Ferronnerie, qu'on partage avec des amis à nous, qui est une asso dont on fait partie d'ailleurs, hein, qui s'appelle la Ferronnerie du Roi. Donc c'est une ancienne... C'est sur Pau, non? C'est à Jurançon, c'est juste à côté. Hein. Oui, c'est devant Pau. C'est une ancienne ferronnerie, quoi, dans une zone artisanale qu'on a rénovée, quoi. On a créé des pièces dedans. On a créé des locaux de répétition. Et puis aussi, du coup, nous avec Artus, on a accès à ça pour travailler. Et on a aussi créé un studio là-dedans, qui nous permet d'enregistrer nos productions à Artus, mais aussi au label Pagans, qu'on a monté. Du coup, on a monté notre propre label. Et on a aussi notre boîte de prod qui s'appelle Art Brut, qui gère en fait tous nos projets, Artus principalement, et tous les projets parallèles qu'on a. En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'on est organisé de façon à ce que, si tu veux, on veille les uns sur les autres. Chacun d'entre nous a autre chose à gérer que de la musique, tu vois. Dans Artus, chacun membre d'Artus a un rôle en plus de faire de la musique qui sert le collectif. On peut maintenant parler de ce que vous avez choisi comme mode de diffusion de votre musique enregistrée, en tout cas les licences libres. Oui. Et ça, c'est quelque chose que vous avez choisi dès le départ. Non. Enfin, moi, dans mes pratiques, ça a toujours été le cas, je sais. Non, peut-être ça n'a pas été le cas au départ. On a basculé en licence libre en 2008, je crois. C'est en 2007 ou 2008. En fait, au tout début d'Artus, on avait aussi au tout début d'Artus, avant qu'on monte tout ça, enfin, c'est monté dans le temps, mais il y a eu une époque où on avait un éditeur, notamment un éditeur, quoi, voilà, en plus d'un label. Donc tout était déposé à la SACEM, etc. Donc on s'en occupait pas, c'était pas notre. Ouais. On faisait de la musique, quoi. Et en fait, à un moment donné, on a voulu mettre des improvisations. Je te dis l'historique parce que c'est comme ça qu'on est arrivé, nous, aux licences libres. On a fait de la musique improvisée et on l'a mis sur notre site internet. Tu vois. Et là, notre éditeur nous a appelé en nous expliquant que c'était pas possible. Que du coup, qu'on était sous. Nos droits étaient gérés par la SACEM, donc du coup, il fallait qu'on dépose d'abord la SACEM. Donc on a dit, mais ça n'a pas de sens. C'est une musique qui est non commerciale, ça n'a aucun intérêt commercial. C'est juste qu'on veut mettre des traces de notre travail sur internet. Et en plus, notre site, on le vend pas, c'est gratuit. Et on nous explique que c'était pas possible. Donc là, on a commencé à se poser la question, en tant que groupe qui pratique l'oralité, notamment par rapport aux musiques traditionnelles. Hein. C'est-à-dire que nous, on utilise depuis très longtemps des musiques qui nous ont été léguées, tu vois, qu'on s'est accaparées et qu'on a utilisées. Et on nous a jamais rien demandé pour ça, tu vois. On l'utilise, voilà. Et c'est à tout le monde. Et d'ailleurs, on est même parfois incapable de dire qu'est-ce qu'on a pris à qui, comment on l'a découpé, qu'est-ce qui vient de qui. C'est ça qui est compliqué. Qu'est-ce qu'une œuvre originale, en fait? Ce que défend la SACEM, l'originalité de l'œuvre. Et donc là, on a quitté la SACEM à ce moment-là. Donc on a quitté notre éditeur, on a quitté la SACEM. On a récupéré nos droits et à partir de là, on s'est renseigné sur les autres possibilités. Donc tu vois, ça va faire presque 10 ans. Et c'est là qu'on a découvert les licences libres, voilà, avec la possibilité finalement de gérer nous-mêmes nos droits. Ça veut pas dire qu'on n'en est pas propriétaire, ça veut dire que simplement, si quelqu'un veut l'utiliser, il passe par nous. Et nous, on décide de savoir est-ce que, si par exemple c'est pour la campagne de Donald Trump, tu vois. On va lui demander des millions ou on va lui refuser. Mais si c'est par exemple, comme ça nous arrive plus souvent quand même, pour une cause militante qu'on a envie de soutenir, eh bien, on donnera libre accès à notre musique. Ouais. Donc c'est quand même ça qui nous intéressait, nous, c'est de pouvoir gérer, justement par rapport à cette histoire d'oralité, de pouvoir quelque part en même temps revendiquer une certaine paternité sur des choses, des arrangements ou des compositions, tout en décidant par nous-mêmes de savoir si effectivement on le laisse libre d'accès ou pas. Ouais. Voilà. Donc c'est ça, en fait. C'est aussi lié quelque part à l'idée de la propriété privée, qui est intellectuelle, c'est encore pire, puisque là on parle de propriété intellectuelle, mais de façon assez générale, Là, je reviendrai à des notions libertaires, parce qu'on parle de libertaire tout à l'heure. Globalement, c'est lié quand même à la propriété privée. Tu vois, c'est quand même, alors dans le domaine intellectuel, on le voit pour les brevets pharmaceutiques et tout, c'est quand même encore plus discutable, savoir qui a inventé quoi. Qui, on a eu régulièrement des. Moi, ça m'est arrivé deux fois de me retrouver dans des débats opposés entre guillemets à la SACEM, où moi j'étais invité en tant que licence libre et puis il y avait la SACEM. On discutait de ça. Quoi. En fait, moi j'ai posé la question à la SACEM clairement, qu'est-ce qu'une œuvre originale? Sachant que quand même, pour l'anecdote, et je pense que ça vous intéresse directement, parce que tu me racontais un peu l'histoire de ton émission tout à l'heure, quand on a déposé le premier album d'Artus à la SACEM, à l'époque on l'a déposé, c'est en 2003 je crois, il fallait avoir un diplôme d'arrangeur. Donc il se faisait de fait, si tu veux, si tu déposais des morceaux, si ces morceaux étaient acceptés, tu avais de fait une espèce d'adoubement de la SACEM qui considérait qu'effectivement tu étais un arrangeur. Et du coup, nous, comme on ne l'avait pas, ils nous ont demandé d'envoyer des partitions de notre album. Donc quand on a déposé les partitions de notre album, on avait joué, ils nous ont dit, ils nous ont renvoyé deux partitions en nous disant mais il y a des erreurs dans ces partitions. On a dit comment ça? Mais oui, c'est pas possible, vous avez pas pu jouer ça, ça sonne pas, c'est pas bien quoi. On leur a dit mais non seulement on l'a joué, mais en plus on l'a enregistré. C'est-à-dire c'est déjà sur un disque en fait. On vous demande pas votre avis, c'est comme ça déjà fait. Donc on a envoyé l'album, ils ont comparé la partition et ils se sont aperçus effectivement qu'on a joué ça. Ce qui pour eux était une aberration, c'était pour eux faux, affreux. Et donc ils ont, mais on a dû batailler quand même. C'est-à-dire que aussi à cette époque-là, alors moins maintenant parce qu'ils sont bien calmés, parce que comme il y a beaucoup de gens qui sont sous licence libre maintenant et qui se barrent, ils se sont quand même bien calmés. Mais à l'époque, par exemple, ils décidaient même de ce qui était beau et pas beau. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une espèce de truc esthétique comme ça. Mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est, tu vois, c'est voilà. Alors nous au début, on avait une vingtaine d'années, donc tu vois, on l'a moins ramené qu'on l'aurait ramené aujourd'hui. Mais quand même, il y avait cette espèce aussi de notion de les grandes œuvres et les petites œuvres, quoi, tu vois. Ça, c'est un peu craignos, quand même. Et la dernière chose aussi qu'il faut quand même savoir, et qui est quand même aussi très choquant, c'est que du coup, l'idée, c'est aussi de répartir les droits à la SACEM. Donc, bah, ça, vous devez connaître ça par cœur. La répartition des droits par forfait et tout ça. Donc, ça, c'est très discutable. Et puis surtout, l'argent de la SACEM sert en partie à la création. Donc, ça, c'est super. Donc nous, par exemple, on s'assoit sur tout ça, puisque comme on n'est pas... voilà. Même, c'est même compliqué pour les sociétés civiles, c'est-à-dire Adami, Spelidam et tout. Ça, alors ça aussi, ça change maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sous licence libre. Mais il n'y a encore pas si longtemps, on ne pouvait pas demander de subvention, parce qu'on n'était pas à la SACEM, en tant qu'artiste professionnel. Quoi, donc c'est un peu, voilà. Donc cet argent qui va à la création, en fait, il est pareil, redistribué et réinjecté la plupart du temps dans les majors finalement. Et en fait, c'est quoi la création? Mais c'est la prochaine saloperie qui vont sortir l'été prochain, etc. Donc en fait, cet argent, au lieu d'aller véritablement en direction des artistes qui font vraiment l'expérimentation de la création, qui crèvent la dalle et qui en auraient besoin pour... Ils sont taxés en plus. Non seulement on est taxés, mais en plus l'argent qu'on leur donne, il ne nous revient pas à nous, il revient à la création qu'on déteste. Quoi. Donc on entretient un système qui est lui-même, de toute façon, il tourne sur lui-même et ça commence à se voir. Donc à l'arrivée, si tu veux, nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus conscients politiquement de tout ça, donc on le défend. Mais au départ, on y est venu un peu en se disant, mais il y a un truc pas normal, c'est notre musique, on ne peut pas en sortir, ils ont dû nous rembourser, il a fallu qu'on bataille, qu'on fasse une lettre de motivation et tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans la SACEM, il gère pour toi tes droits. Et puis toi, tu te retrouves dépossédé de ça. En même temps, c'est pour ça que tu les payes. Ils le font plutôt bien. Quoi, voilà. Après, nous, évidemment, ce qu'on nous rétorque tout le temps, mais si quelqu'un fait du blé sur le dos... je veux dire, la plupart du temps, nous... tu veux dire détourner votre... Oui, imaginons que quelqu'un... Bon, ça arrivait à une copine à nous il n'y a pas longtemps. C'est arrivé avec Britney Spears, je ne sais pas trop quoi. Là, ça s'est vu, si tu veux. Ouais. Mais c'est ce qu'on répond. Quoi. C'est-à-dire que si un jour, il y a quelqu'un comme Jean-Jacques Goldman, je ne sais pas quoi, qui prend un bout de la vie d'Artus... déjà, nous, nos morceaux sont quand même déposés en Creative Commons, donc ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas propriétaire. Et puis en plus de ça, là, à ce moment-là, s'il y a vraiment du pognon, on va s'en apercevoir, enfin en tout cas, on nous en parlera. Quoi. Ouais. Donc cette histoire de vigipirate de la SACEM qui va récupérer tous tes droits à droite, à gauche et tout, c'est vrai, c'est-à-dire que nous, si une radio passe notre musique et qu'elle ne nous dit pas, bon, on récupère que dalle. Tu vois. En même temps, c'est des clopinettes, en plus, nous, on divise tout en 6. La plupart du temps, on fait de la composition, mais au début d'artiste, on faisait que de l'arrangement de musique traditionnelle. Donc on était arrangeur, on divisait tout par 5, tu vois. Donc à l'arrivée, si j'avais 25 euros de sa scène dans l'année, c'était le maximum, pour un maximum d'emmerdement, et en plus, au niveau éthique, un truc qui pue, quoi. Ouais. Grand merci aux musiciens d'Artus et de Là où vont les autres pour ces échanges qui font que la rencontre a été plus loin que le simple concert. On va continuer ce type de rencontre. Et d'ailleurs, l'actualité du collectif Commune Oreille est assez dense ces prochains jours, car nous programmons deux soirées la semaine prochaine. La première sera le mercredi 3 mai à Fort-Calquier, où nous serons accueillis par le Café Quoi, et nous aurons le trio d'improvisation de Saint-Étienne-les-Orgues, Picabou, qui joueront en ciné-concert leur propre version du film L'An 01 de Jacques Doyon et GB, fable utopiste de 40 ans d'âge, mais totalement d'actualité par les temps qui courent. Et ensuite, Chocolat Billy, un quatuor rock bordelais, dont les influences sont telles qu'il est très difficile de leur donner une définition de style, mais que toute personne les écoutant ne peut s'empêcher de se trémousser son popotin, hocher sa tête ou rester éveillé. Tout ça, ce sera donc au Café Quoi, le mercredi 3 mai, ouverture des portes à 20h, début du ciné-concert à 20h30, ce sera prix libre, au Café Quoi de Fort-Calquier. Le 6 mai, au bar Le Millésime à Digne-les-Bains, nous recevrons Gosplin, un quatuor de Besançon. Ils nous présenteront leur nouvelle EP Slow Move de l'indie rock qui sent bon les 90s. Ils seront accompagnés de Conifer, un duo gothique blues de Lyon. Début des concerts prévus pour 21h. C'est la fin de cette émission, nous la terminerons par un extrait de 20 minutes du concert d'Artus enregistré à la Cimenterie le 22 mars dernier. Retrouvez-nous samedi suivant à partir de 21h sur le créneau habituel de Kilowatt FM pour écouter les deux volets de l'émission, suivi du live intégral d'Artus, donc 1h30. Merci de nous avoir suivis, bonne écoute. Thank you. Merci bien. Thank you. Merci bien.